Marc chapitre 16. Or, le jour du sabbat étant passé, Marie Magdeleine, et Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates pour le venir embaumer. Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles arrivèrent au sépulcre, le soleil étant levé. Et elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre ?» Et ayant regardé, elles virent que la pierre était roulée, car elle était fort grande. Puis étant entrées dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis à main droite, vêtu d'une robe blanche, et elles s'épouvantèrent. Mais il leur dit, « Ne vous épouvantez point, vous cherchez Jésus le Nazaréen qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez, et dites à ses disciples, et à Pierre, qu'il s'en va devant vous en Galilée, vous le verrez là, comme il vous l'a dit. » Elles partirent aussitôt, et s'enfuirent du sépulcre, car le tremblement et la frayeur les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Or, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, il apparut premièrement à Marie Magdeleine, de laquelle il avait chassé sept démons. Et elle s'en alla, et l'annonça à ceux qui avaient été avec lui, lesquels étaient dans le deuil, et pleuraient. Mais quand ils ouïrent dire qu'il était vivant, et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller au champ. Et ceux-ci étant retournés, l'annoncèrent aux autres, mais ils ne les crurent point non plus. Enfin il se montra aux onze, qui étaient assis ensemble, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, en ce qu'ils n'avaient point cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, « Allez par tout le monde, et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui aura cru, et qui aura été baptisé, sera sauvé, mais celui qui n'aura point cru, sera condamné. Et ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouveaux langages. Ils saisiront les serpents avec la main, et quand ils auront bu quelque chose mortel, elle ne leur nuira point, ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Or le Seigneur, après leur avoir parlé de la sorte, fut élevé en haut au ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Et eux étant partis prêchèrent partout, et le Seigneur coopérait avec eux, et confirmait la parole par les prodiges qui l'accompagnaient. Amen.